analogie enfantine. Au grand désespoir perdu. Ça voit son nom tant que je me cache ou tant que je vache. Pourquoi dois-je? Pourquoi là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vis-je, papa? Analogie enfantine. Dans l'immunologie, je lutine. Analogie, fin, fin, fin. Le cœur de Gwyn? Analogie? Fin, fin, fin.